Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte à BO. Chaque semaine, l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film. Nous allons en effet passer ensemble une demi-heure pour écouter de très belles bandes originales, toujours en compagnie de Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors, quel est le programme de cette semaine ? Alors, au programme cette semaine ou aujourd'hui, nous vous proposons, comme nous l'avons déjà fait, des BO jazz. Nous retrouverons donc par exemple Taxi Driver, La Panthère Rose, Borsalino et encore d'autres films. Eh bien parfait Francine, retrouvons-nous dans quelques instants pour cette belle programmation. Alors, commençons par notre première séquence avec le film Taxi Driver, qui est un film de Martin Scorsese sorti en 1976 avec Robert De Niro et Jodie Foster. Travis Bickle, de retour du Vietnam, connaît beaucoup de difficultés à réintégrer la société qu'il avait quittée. Alors, pour pallier ses insomnies répétées, il devient chauffeur de taxi de nuit. Chaque soir, il côtoie la grandeur et la décadence new-yorkaise et doit faire face aux situations les plus diverses. Et petit à petit, il va rejeter ce monde frénétique qui s'offre à lui et il va sombrer dans une folie destructrice. Et pour ce qui est de la musique du film, alors ? Eh bien, après ses années auprès d'Alfred Hitchcock, puis de François Truffaut avec Fahrenheit 451 et La mariée était en noir, eh bien, Bernard Herrmann rencontre le jeune Martin Scorsese en 1975. La bande-son étrangement sensuelle renforcera l'atmosphère troublante du film qui obtiendra la Palme d'Or à Cannes en 1976. Le saxophone suit les allées et venues de l'étrange et solitaire Travis Bickle dans les rues de New York. Taxi Driver est porté par une partition remarquable de jazz symphonique et malgré de graves problèmes cardiaques, Bernard Herrmann achèvera les enregistrements pour Taxi Driver le 23 décembre 1975 avant de mourir la nuit même à l'âge de 64 ans. Alors écoutons tout de suite le thème principal de Taxi Driver. Thank you. Donc, après Taxi Driver, passons maintenant à Les Félins, un film de René Clément sorti en 1964 avec Alain Delon et Jane Fonda. Alors, le compositeur de la musique de ce film est Lalo Schifrin. Et c'est en France qu'il a commencé sa carrière professionnelle comme pianiste de jazz. Mais il se sentait malgré tout attiré par un autre univers, celui de la musique de film. Son agent a joué les entremetteurs avec la MGM qui avait un projet en cours avec justement le film Les Félins. Donc Schifrin, grand amateur de films noirs, sauta sur l'occasion. Mais alors Lalo Schifrin, il me semble qu'il a fréquenté les plus grands jazzmen. Mais oui, s'il y a bien un compositeur de musique qui a des affinités avec le jazz, c'est Lalo Schifrin. Il fut repéré par un certain Didi Gillespie qui l'engagea comme pianiste. On ne peut pas rêver mieux comme parrain. Et en 1963, il décroche un contrat qui lui permet de travailler avec les grosses pointures du jazz telles que Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Stan Getz et Count Basie. Alors ce film est un véritable laboratoire pour le compositeur, il fait cohabiter la musique symphonique, le jazz et le traitement électronique du son. Cette partition est le point de départ d'une carrière fructueuse, sa véritable marque de fabrique qu'il reproduira sur d'autres films comme Bullitt d'Horty Harry. Donc retrouvons le thème principal de ce film Les Félins. Mais Lalo Schifrin, c'est aussi cet air que tu vas forcément reconnaître dès les premières notes, Jérôme. Ah bah écoutons alors. Ah bien évidemment, Mission Impossible. Donc si tu es d'accord, on va continuer à l'écouter. D'accord. Très bien, et bien, vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est la boîte à BO, et nous consacrons cette émission aux musiques de films, plus spécialement orientées musique de jazz. Alors on va continuer avec La Panthère Rose, qui est une série de 9 films réalisés entre 1963 et 1993, la plupart par Black Edwards, et mettant en scène les aventures de l'inspecteur parisien Jacques Clouseau. Alors à l'origine, La Panthère Rose est une comédie policière américaine mettant en vedette Peter Sellers et David Niven. La Panthère Rose y désigne un diamant de couleur rose, objet de l'enquête de l'inspecteur parisien, donc Jacques Clouseau. Le générique du film a recours à un personnage animé, ayant la forme d'une panthère au pelage rose. Surpris et séduit par l'originalité et la drôlerie de cette ouverture associée au thème musical d'Henri Mancini, le public l'applaudit pendant plusieurs minutes lors de la première. Compositeur prolifique au talent indéniable, Henri Mancini aura obtenu au cours de ses 40 ans de carrière 70 nominations aux Grammy Awards, dont 20 Grammy reçus, 18 nominations aux Oscars, 4 statuettes emportées, ainsi qu'un Golden Globe. Le thème de La Panthère Rose sera nommé aux Oscars, mais il ne l'emportera pas cette fois-là. Écoutons, ou plutôt réécoutons, le thème de La Panthère Rose. Passe maintenant à Blow Up, un film dramatique de Michelangelo Antonioni sorti en 67 et avec notamment comme acteurs Jane Birkin et Gillian Hills. Le pianiste et compositeur Herbie Hancock était âgé d'une vingtaine d'années et accompagnait Miles Davis depuis 3 ans lorsqu'il fut approché par Michelangelo Antonioni, dont le film Blow Up était sur le point d'être achevé. Pour ce qui allait devenir son chef-d'œuvre, le réalisateur souhaitait une bande originale discrète et naturelle, presque inexistante. Mais en grand amateur de jazz, il voulait cette musique-là pour accompagner ses images. Alors, il semble que Herbie Hancock a été particulièrement exigeant pour composer cette BO. Et oui, Herbie Hancock passa plusieurs semaines à Londres, mais n'y trouvant pas de musicien adéquat, il retourna à New York pour s'entourer de la crème du jazz américain. C'est donc avec Jimmy Smith, Joe Anderson, Jack DeJohnette ou encore Jim Hall qu'il termina les enregistrements. Arrivé à la première du futur film culte, quelle ne fut pas la déception du jeune compositeur de ne pas entendre la moitié de ses titres. Une injustice réparée par le label Vintage qui ressortit les grands absents du film. Donc place donc maintenant un extrait de la BO de ce film, Blow Up. Bien, passons maintenant au cinéma français avec Borsalino. Borsalino qui est un film franco-italien réalisé par Jacques Deray en 1970. Alors le film raconte les aventures de deux jeunes voyous qui tentent de devenir les caïds de la pègre marseillaise. Il réunit Alain Delon et Jean-Paul Belmondo pour la première fois en tête d'affiche. Alors la musique est confiée au compositeur Claude Bolling. Delon et Deray veulent que Bolling arrange et réenregistre des vrais airs de l'époque, mais le compositeur leur demande de lui faire confiance et de le laisser leur proposer des créations originales comme le morceau qu'il leur fait écouter et qu'il vient donc d'enregistrer pour un 45 tours non encore édité. La mélodie choisie contribuera au succès du film. Le single se vendra à plus de 60 000 exemplaires l'année de sa sortie. Mais sur ce film, il n'y a pas eu de mésentente entre Delon et Belmondo ? Oui, tout à fait, Francine. Le succès du film est entaché par un conflit juridique qui oppose Jean-Paul Belmondo et Alain Delon pour une histoire de formulation contractuelle non respectée sur l'affiche du film. Bebel porte l'affaire au tribunal et gagne son procès en 1972. Et la presse de l'époque utilisa cette mésentente pour broder sur la rivalité des deux stars, ce qui servit finalement le succès de Borsalino puisque le film enregistre plus de 4 millions de spectateurs en France. Alors tout de suite, écoutons le thème très connu donc de Borsalino. Thank you. avec Tirer sur le pianiste, un film de 1960 produit par François Truffaut avec Charles Aznavour et Marie Dubois. Alors dans ce film, Charlie Kohler est un pianiste secret, distrait et triste qui joue tous les soirs dans un bistrot. Ses frères, Chico, Momo et le petit Fido, ont des ennuis avec les truands. Un soir, Chico, poursuivi, cherche refuge dans le bistrot près de Charlie. Et dans ce film, la musique occupe une place prépondérante, oscillant du jazz au classique avec des détours réjouissants par la chanson, grâce à un Bobby Lapointe iconoclaste et un Félix Leclerc plein d'élégance. Donc ce film, c'est avant tout un thriller, mais musical. La musique dansante que joue Charlie n'est pas sans rappeler celle des films de mafia comme Borsalino que l'on vient d'écouter précédemment. Et elle sera gardée pendant tout le film. Je vous propose donc de retrouver le thème principal de ce film Tirer sur le pianiste. Et bien voilà, ainsi s'achève ce numéro de la boîte à BO, spéciale musique de film orientée jazz. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pris plaisir à découvrir et écouter certaines musiques de films. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet, puis de nous faire part de vos BO coup de cœur. Et bien Francine, rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.